بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس احذروا الربا فإنه من أكبر الكبائر التي حرمه الله عز وجل في كتابه الحكيم وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم كما أبان خطورته وضرره في الدنيا والآخرة وأجمع المسلمون على تحريمه كما ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فمن الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابن آدم خلق ضعيفا كيف يتاجر العبد معاملة يعلن فيها الحرب على الله والحرب على رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي من عاد إلى الربا بعد الموعظة التي جاءته من الله فاستبان له حكم الله في الربا الذي هو التحريم فإنه من أصحاب النار عياذ بالله ويقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أي يذهب الله ماله من يده فيصير فقيرا أو ينزع البركة من ماله ويكون نارا عليه يوم القيامة عياذا بالله عباد الله تدبروا آية الله في القرآن الكريم وما تضمنت من الوعيد الشديد والنهي الأكيد فاحذروا الربا رحمني الله وإياكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا الحديث فأكل الربا من أكبر الكبائر ومن الموبقات أي المهلكات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أي أنواع مختلفة كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيسارها مثل من ينكح الرجل أمه، عياذا بالله. أيسارها أي أيسر أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، رواه الحاكم. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يرد في شيء من المعاصي مثل ما ورد من الوعيد على الربا ما دون ما عدا الشرك. فارجعوا إلى كتاب ربكم عز وجل، وارجعوا إلى سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنكم كثرة الهالكين. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يردنا أجمعين إليه ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخطأت في الآية الأخيرة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Regard à l'usure, à l'riba, communément appelé les intérêts. L'usure est un des pires péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans son noble livre, le Coran al-Karim. Un des pires péchés contre lequel le prophète alayhi salatu wassalam a averti et nous a parfaitement expliqué, démontré et averti des nuisances et des effets néfastes de l'usure dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà, Yom al-Qiyamah. Et le grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: il y a le consensus de l'ensemble des musulmans quant à l'interdiction de l'usure. Très nombreux sont les versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mettent en garde contre l'usure. Dans Sourate Al-Baqarah, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre ce grave péché. Et il nous dit, sous la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qu'il reste comme ajout, comme usure, comme riba, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, si vous ne délaissez pas l'usure, attendez-vous à recevoir la guerre de la part d'Allah et de son messager. Donc celui qui connaît ce jugement et qui s'obstine à désobéir Allah Azza wa Jal par des transactions avec usure, qu'il s'apprête à recevoir la déclaration d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Ô toi le fils de Adam, tu as été créé faible et tu es faible sans Allah. Comment est-ce que tu peux commercer en sachant qu'à travers ce commerce, tu déclares la guerre à Allah Azza wa Jal, tu déclares la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset de sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, ne mangez pas de l'usure, ne mangez pas de l'usure, et craignez Allah afin d'obtenir le succès, et craignez l'enfer qui a été préparé pour les kafiris, et obéissez à Allah et son messager afin d'obtenir la miséricorde. Dans un autre verset du surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, « Ô vous qui avez cru, ou plutôt ceux qui consomment de l'usure, ne se lèvent que comme se lève celui qui a été touché par, ou celui qui a été bouleversé par le diable, c'est-à-dire qui a été touché par un djinn, ou bien qui est pris d'une crise causée par un djinn. Celui qui mange de l'usure ne se lèvera que de la sorte, qu'à l'image de celui qui a perdu la raison, ou bien qui a été touché par un djinn. Puis, on nous dit ceci car ils ont dit, le commerce est comme l'usure. Le commerce est comme l'usure. Voici leur excuse, voici ce qu'ils prétendent. Puis Allah nous dit, toujours sur la traduction des sens de ce verset, mais Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure, al-riba. Celui donc à qui parvient l'exhortation de la part de son Seigneur, lui arrête, il aura ce qui est passé, il aura la base de son investissement, mais il n'aura pas l'ajout, les intérêts usuels, et son ordre revient à Allah. Quant à celui qui retourne, quant à celui qui, après avoir su le jugement, continue de manger de l'intérêt, continue à imposer à la personne de lui ajouter des intérêts, quant à cela, voici les habitants de l'enfer où ils y demeureront éternellement ou bien un long moment. Donc ce verset signifie que celui qui reçoit l'exhortation d'Allah, comme ça vient d'être fait ici par la lecture de ces versets, puis continue à commercer, puis continue les transactions usuelles après avoir connu le jugement, la grave interdiction de l'intérêt, celui-ci sera des habitants de l'enfer. Dans un autre verset de Sourate al-Baqarah, le suivant, Allah nous dit qu'il fait disparaître al-riba. Il fait disparaître al-riba, l'usure ou bien l'ajout, et il fait augmenter les aumônes, les sadaqat. Et Allah n'aime pas tout kufka. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas tout mécréant bien pour ingrat, pécheur. Ce verset signifie que celui qui s'adonne à l'usure pour augmenter ses bienfaits, pour augmenter son argent, Allah azza wa jalla fera disparaître son argent. Il fera disparaître ses biens et il deviendra pauvre. Il recevra le contraire de ce à quoi il aspirait. Celui qui ne veut pas délaisser le commerce illicite, particulièrement l'usure, qu'il sache que sa finalité sera l'appauvrissement, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui laissera en apparence son argent, mais il fera disparaître la bénédiction de ses biens, et il n'arrivera rien à rien avec cet argent. Puis dans l'au-delà, puis dans sa tombe, et dans l'au-delà, ça sera du feu et un terrible châtiment. Donc il nous faut méditer les versets d'Allah et comprendre ce qu'ils contiennent comme menace et comme punition pour ceux qui ne délaissent pas ce commerce. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, dans l'explication de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne les injustes, ceux qui font des transactions usuelles et ceux qui travaillent avec de l'argent sale. Allah azza wa jalla nous informe à leur sujet en nous disant que tout comme dans ce bas monde, ils s'adonnaient à ce commerce qui était mauvais, ben dans l'au-delà, dans leur tombe ou bien dans l'au-delà, ils auront à se lever comme la personne qui a été bouleversée par le diable, comme la personne qui a été agressée et bouleversée par le diable. Et Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala commente l'explication de son cheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di en disant « Wa laqad sadaqa rahimahullah » et certes il a dit la vérité qu'Allah ait pitié de lui. On voit de nos jours les gens commercer avec l'usure comme s'ils étaient fous, comme s'ils avaient perdu la raison. L'exhortation leur parvient, les textes leur parviennent, ils savent que c'est haram, mais ils continuent avec un riba. Il continue à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah pour nous et pour eux la guider. Le prophète alayhi salam, dans de nombreux hadiths, nous a averti des méfaits de l'usure. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui manque de l'usure une fois, alors qu'elle a connaissance du jugement, c'est pire pour elle que de commettre l'adultère 36 fois. C'est pire pour elle que de commettre la fornication 36 fois, iyad al-billah. Samura ibn Jundub radiallahu anhu nous dit que le prophète alayhi wa sallam rapporte qu'il a vu un homme dans un bain qui avait la couleur du sang, dans un bain rouge qui avait la couleur du sang ou bien un bain de sang, et il nageait en essayant de rejoindre la sortie. Il se tenait debout à l'extrémité du bain, un homme avec des pierres. Et lorsque cet homme qui nageait essayait de sortir, celui qui était sur le côté remplissait sa bouche de pierres et il retombait dans ce bain. Il retombait dans cette eau et il essayait de nager pour rejoindre l'autre bord. Et à chaque fois qu'il essayait d'en sortir, cet homme lui remplissait la bouche de pierres et il retombait dans cette eau. Le prophète alayhi salam a demandé qui est cet homme. On lui a répondu, Akilu riba, c'est celui qui mangeait de l'intérêt, c'est celui qui mangeait de l'usure. Voici son châtiment, voici sa punition, iyadan billah. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salam, lors du voyage nocturne, a vu ceux qui mangeaient de l'usure dans ce bas monde se faire châtier. Se faire châtier. Aussi, le prophète alayhi salam nous dit, l'usure se compose de 73 branches. La branche la moins pire, la branche la moins pire est semblable à un homme qui commet l'acte avec sa propre mère, iyad al-billah. L'usure comporte 73 branches. Et sa branche la moins pire, la moins grave, est semblable à un homme qui commet l'acte avec sa propre mère. Ceci nous montre la gravité de ce péché, la dangerosité de ses effets dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Il nous faut, chers serviteurs d'Allah, revenir au livre d'Allah. Il nous faut revenir à la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam, dans ce sujet. Et nous inspire dans ce sujet. Car, au nombre de personnes, ont minimisé la gravité de ce péché. Ils s'adonnent à l'usure. Et c'est comme s'ils n'avaient pas commis un grave péché. Et certains se permettent même de dire, oui, mais tout le monde le fait. Allah Akbar. Tout le monde le fait. Ne sais-tu pas que sur 1000 personnes, Yom al-Qiyamah, une seule en fera au paradis. Et 999 en feront en enfer. Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset, et si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils t'égareront du chemin d'Allah. Donc la plupart des gens ne sont pas sur la vérité. Ils ne sont pas les exemples. L'exemple est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل dit, vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Ainsi, celui qui commerce doit s'instruire dans les règles du commerce en islam, savoir ce qui est licite et savoir ce qui est illicite, savoir ce qu'il a le droit de vendre et d'acheter et savoir ce qui lui est proscrit en islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré les 6 catégories de choses qui comportent l'usure et l'intérêt que nous n'avons pas le droit de vendre, si ce n'est à poids égal ou bien à mesure égale, et la vente et l'achat doivent avoir lieu instantanément, comme l'or et l'argent, comme les dates et et le sel est autre chose que le prophète alayhi salatu wassalam a cité. Par exemple, celui qui a de l'or, qui a beaucoup de valeur. Une deuxième personne a de l'or qui a moins de valeur. S'ils veulent acheter et vendre avec cet or-là, ça doit être le même bois. Ça doit être le même bois. Il n'a pas le droit, par exemple, de vendre 500 grammes d'or ayant une grande valeur contre 1 kilo d'or ayant une petite valeur. Ceci est de l'intérêt. Ceci est de l'intérêt. Si c'est de l'or contre de l'or. Par contre, s'il vend de l'or contre l'argent, à ce moment-là, il a le droit de prendre plus. À ce moment-là, il a le droit de prendre plus si le deal, si l'état n'est pas le même, si la marchandise n'est pas la même. Mais à ce moment-là, ça devra avoir lieu dans le même endroit. L'achat et la vente, il ne devra pas y avoir de décalage. Il ne devra pas y avoir de décalage. Pareillement pour les dates. Celui qui a des dates de bonne qualité et qu'il veut les vendre contre des dates de moins bonne qualité, ils doivent avoir la même mesure. Il n'a pas le droit, par exemple, de vendre 1 kg de dates de bonne qualité contre 2 kg de dates de moins bonne qualité. C'est plus sûr. Mais il doit prendre ces dates, les vendre et récupérer l'argent et ensuite acheter des dates sèches. Ou bien prendre ces dates sèches, les vendre, prendre l'argent et ensuite acheter des dates de meilleure qualité. Dans le cas contraire, c'est de l'usure, c'est de l'intérêt. Et Allah Azza wa Jalla nous interdit cela. Le prophète alayhi wa sallam nous interdit cela. Il y a également de l'intérêt dans les transactions ou bien dans le change. Tu veux changer par exemple des euros contre des dinars. Tu peux vendre cela, échanger cela avec un prix différent. Mais la transaction devra avoir lieu de manière instantanée. Tu n'as pas le droit de donner 10 euros et le lendemain, ou bien 2 jours après, ou bien 10 heures après, tu récupères les dinars avec les intérêts. Ceci est interdit, c'est du riba. Par contre, dans la même assise, où instantanément, tu changes et tu prends l'argent, ou bien tu augmentes même le chiffre, il n'y a pas de problème. Ceci n'est pas de l'intérêt. Pareillement, celui qui achète des biens, mais il paye plus tard, ceci est permis, même s'il paye plus cher. Il lui dit, je t'achète tel objet, mais je n'ai pas l'argent. Je te paierai dans un an. Alors le commerçant lui dit, au lieu de me donner 100 euros si tu me payes tout de suite, si je te le vends avec une échéance, tu me donneras 200 euros. Ceci est permis, mais ils doivent se mettre d'accord sur le prix exact et sur la durée de l'attente. Ceci est permis. Mais il nous faut ne pas tricher comme le font certains. Ils maquillent les intérêts en faisant passer cela pour des frais, par exemple. Et il y a beaucoup d'intérêts dans les locations de voitures. Ceux qui louent des voitures et au final achètent cette voiture. On leur dit, si vous louez cette voiture, sur tant d'années, vous payez tant. Et au final, elle sera à vous. Mais si vous coupez le contrat, vous allez devoir ajouter tant et tant. Ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis et renferme des interdits qu'Allah Azza wa Jalla nous a proscrits. Il nous faut donc apprendre les règles du commerce. Parmi le commerce qui est effectué, qui est interdit, c'est qu'on dit à la personne investie. Investi 10 000 euros par exemple. Et on lui dit, tu auras un bénéfice par mois de 500 euros. Tu auras un bénéfice à vie ou bien pendant 10 ans de 500 euros. Ceci est interdit, ça comporte des intérêts. Il doit plutôt s'associer. Et on lui dit, tu as 10% du bénéfice. Ce bénéfice peut augmenter et il peut diminuer. Il peut gagner tout comme il peut perdre. Ceci est permis. Il est donc associé avec le patron dans les gains et dans les pertes. Quand on fait de fixer une somme par mois qu'il prendra, peu importe la courbe économique, ceci n'est pas permis, ça comporte des intérêts. Et très nombreuses sont ces formes. Il nous faut les étudier afin de nous en préserver et de ne pas tomber dans les intérêts. Parmi les formes d'intérêts connues, et c'est l'intérêt qui était commis dans la jahiliya, dans la période islamique, c'est le prêt avec intérêt. On prête à la personne 100 euros et on lui dit, tu me les rends dans un mois. Un mois plus tard, la personne n'a pas l'argent. On lui dit alors, je te laisse encore 3 mois, mais tu devras me rajouter 50 euros. Ça, c'est riba, riba al-fadl, c'est interdit. Naam, c'est interdit d'augmenter le retour de l'argent, la somme du retour. Ceci est haram et c'est des intérêts. Et c'est les intérêts qui sont faits dans la jahiliya. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا ونطلب الله عز وجل de nous enseigner sa religion et de nous permettre de l'adorer et de nous éloigner de ses interdits. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم فيك نستعين، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.